Au clair du bitume, enfant du ghetto, faut se faire de la thune pour remplir le frigo. On n'a que la zone pour terrain de jeu. Il faut qu'on s'en sorte pour des jours heureux.